deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire titrée « L'ombre de la guerre » à propos, bien sûr, des 100 ans de l'armistice de 1918. Notre émission de ce matin s'arrêtera sur un lieu où se rend d'ailleurs le président Macron lors de son itinérance mémorielle aujourd'hui, Reims. Reims, la ville des sacres, qui est au cœur de l'ouvrage tout juste paru chez Gallimard de Thomas Gettgens, La cathédrale incendiée. Il y raconte combien l'incendie de cette cathédrale en septembre 1914 a brisé des amitiés intellectuelles qui s'étaient forgées avant la guerre entre les Français et les Allemands. Puis en dernière partie de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir au téléphone l'historien Cheikh Sacko, qui s'est beaucoup battu pour la reconstruction et l'inauguration ce soir du monument aux héros de l'armée noire de Reims. Bref, Reims et son rôle dans la mémoire de la Première Guerre mondiale, c'est au cœur de la Fabrique de l'Histoire ce matin. Et pour commencer, avant l'interview de Thomas Gettgens sur la cathédrale incendiée, une archive du grand historien de l'art Émile Malle à propos justement de l'incendie de la cathédrale de Reims. Lorsqu'au mois de septembre 1914, on apprit que la cathédrale de Reims était en flammes, le monde entier s'émut, car on sentit que la beauté avait diminué sur la terre. Mais chez nous, tous les cœurs se serrèrent, car depuis des siècles, la cathédrale de Reims était un symbole de la France. C'était dans une des premières cathédrales de Reims que Clovis avait été baptisé. Dans celle qui brûlait, 24 rois depuis Louis VIII avaient été sacrés. Et auprès de Charles VII, on avait vu, le jour du sacre, Jeanne d'Arc debout portant son étendard. Le contraste était violent pour qui la revoyait à la fin de la guerre. Elle avait été bombardée pendant des mois comme une forteresse. Elle était calcinée, sans toiture, couverte de plaies profondes, montrant ses os à nu. Les statues de la Tour du Nord, rongées par l'incendie, retournaient aux éléments. L'empreinte de l'art s'effaçait. Thomas Gettgens, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour une conversation que nous n'aurions pas pu tenir il y a un siècle, vous et moi, puisque vous êtes sur une radio qui s'appelle France Culture. Et sûrement qu'un Allemand n'aurait pas eu droit de citer sur une radio comme celle-ci si elle existait à l'époque, et que vous auriez décliné la proposition de discuter avec un Français, en l'occurrence, si vous aviez été Allemand, si j'avais été Français un siècle plus tôt. Il y avait quand même des entretiens entre les Français et les Allemands. Même alors, pendant la Première Guerre mondiale? Pendant la Première Guerre mondiale, c'était plus difficile. C'est cela. Ça, à ce moment-là, tous les ponts étaient rompus, et c'était terminé, tous les entretiens qu'il y avait avant. Mais avant, il y avait quand même des rapports très étroits, très amicaux. Et c'est ça le grand scandale, que soudainement, avec la Première Guerre mondiale, et surtout avec le bombardement de Reims, tout a été coupé. Vous publiez d'ailleurs chez Gallimard, et c'est pour ça que nous vous recevons, La cathédrale incendiée, Reims, septembre 1914, dans la Bibliothèque illustrée des histoires, très fameuse, dans une traduction de l'allemand par Daniel Kohn. Et vous nous expliquez dans ce livre justement quel rôle a joué en septembre 1914 l'incendie de la cathédrale de Reims pendant ces bagarres militaires, cette guerre qui s'était déclenchée depuis un peu plus d'un mois, pour rompre justement ces relations entre intellectuels européens, entre intellectuels français et intellectuels allemands, qui, malgré la défaite de 1870, avaient été très nombreuses pendant la période entre 1870 et 1914, Thomas Gettgens. Exactement. Ce qui était vraiment choquant, si on dépouille les journaux, les rapports, les lettres, on trouve qu'il y a une rupture catastrophique des rapports entre la France et l'Allemagne. Et moi, je me suis lancé dans cette recherche d'où est sorti ce livre, c'est de comprendre comment c'était possible que même des rapports amicaux très étroits entre les intellectuels se sont arrêtés. Et je crois que, en effet, non pas seulement le début de la guerre, mais surtout le bombardement de la cathédrale de Reims était un moment qui a choqué les Français d'une façon compréhensible, mais si forte qu'ils ont tombé dans une autre langue, une langue de la haine. Compréhensible, à mon avis. Et les Allemands, dès ce moment, étaient des barbares. Donc, et ça a complètement choqué les Allemands. Ils ont rompu à parler avec leurs collègues. C'est le propos de votre livre que de chercher les racines, justement, de cet investissement sur un bâtiment, certes emblématique du patrimoine français, bien évidemment, à cause des baptêmes des rois qui s'y déroulaient et de l'onction sainte qu'ils pouvaient y recevoir. Mais tout de même, pourquoi ce lieu a-t-il cristallisé avec autant de force ce conflit militaire qui commençait, puisque c'était démarré depuis le mois d'août 1914? C'est une question que vous allez chercher au fond, pourrait-on dire. C'est-à-dire que vous allez très profondément dans la construction d'une image de soi des Français, et en particulier de l'art français, et de l'autre côté, d'une image de soi des Allemands et de l'art allemand, Thomas Gengens. Oui. C'est exactement ça. Donc, j'ai commencé à essayer de faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'abord. Et là, il y a beaucoup de brouillard. Bien entendu, après les événements à Louvain... Il faut préciser qu'à Louvain, effectivement, les Allemands, après avoir été... ils sont dans une optique de craindre les francs-tireurs qui leur tireraient dans le dos, qui est une sorte d'obsession des Allemands depuis la guerre prussienne, franco-prussienne de 1870. Ils se retrouvent à Louvain... Quelqu'un tire, un soldat est touché, et à partir de ce moment-là, eh bien, on se déchaîne dans la ville de Louvain, et dans ce déchaînement, la bibliothèque de Louvain, qui comprend de très nombreux manuscrits médiévaux, brûle. Exactement. Mais de toute façon, depuis ce moment, bien sûr, la France était avertie que l'armée allemande avançait d'une façon très brutale. Donc, il y avait déjà ce danger dès le début de la guerre. Et il faut pas oublier que déjà quand la guerre éclate, Henri Bergson avait déjà précisé que... Un texte incroyable, effectivement, qui date du mois d'août, effectivement, au moment de la déclaration de guerre, où il dit que c'est la bagarre, le combat, dites-le. La lutte engagée contre l'Allemagne et la lutte même de la civilisation contre la barbarie. Donc, c'était déjà avant le bombardement de Reims qu'il y avait, entre les deux États, cette langue de diversion et de... Peut-être pas encore de haine, mais presque. La haine, vraiment, et le langage après le bombardement de Reims. En septembre 1914. Alors, si... On raconte cette histoire. On voit effectivement les troupes allemandes, suivant le plan de von Schlieffen, déboulent par la Belgique, qui arrivent sur le nord et sur l'est de la France et qui vont courir jusqu'à Paris parce que leur but, c'est d'aller le plus vite possible Paris. C'est le plan qui a été établi par von Schlieffen. Et évidemment, ce plan est interrompu à un moment donné par la contre-offensive de la Marne. Et Reims se trouve prise en étau, pourrait-on dire, entre des troupes françaises et des troupes allemandes qui la prennent et qui la reprennent. Exactement. Alors, on peut presque dire que la guerre, la grande guerre, aurait pu s'arrêter en septembre 14, parce que on ne bougeait plus. Après le bombardement de Reims et le bombardement de la cathédrale, les armées se sont mises dans les fossés. Et sont restées là jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 18. Donc c'était militairement, c'était une catastrophe. Donc alors, le plan d'avancer a joué. Donc c'était terminé. Donc on pensait du côté allemand aller le plus vite possible jusqu'à Paris, défaire Paris. Mais il y avait dans la tête des Français l'idée que peut-être si Paris était occupé, ça serait la destruction de cette ville, destruction patrimoniale, une fois que le gouvernement avait, lui, fui vers le sud-ouest pour échapper à l'avancée allemande. Exactement. Il y avait déjà dans la tête des Français, dites-vous, Thomas Gengens, avant même l'incendie de la cathédrale de Reims en septembre 1914, il y avait déjà dans leur tête cette idée que les Allemands allaient pratiquer une sorte de politique de la terre brûlée et détruire les merveilles du patrimoine français, Thomas Gengens. Je conteste ça un tout petit peu. ça va être peut-être une controverse et on va peut-être me critiquer, mais je pense pas que l'intérêt de l'armée allemande... Bien sûr. Les Français avaient ça dans la tête. Oui, ça ne veut pas dire que c'était un plan allemand. Non, mais bien sûr, les Français avançaient que c'était un plan allemand. Mmh. Donc, l'idée et les controverses entre les Allemands et les Français étaient là-dessus. Donc, et c'est ça qui a vraiment mené à cette grande discussion entre les intellectuels allemands et les intellectuels français. Alors, le bombardement de Reims, c'était un grand crime. C'est un crime contre l'humanité. Alors, il faut... On ne tire pas sur la cathédrale de Reims. On ne fait pas ça. Même s'il y a un observateur, peut-être il y avait un observateur, peut-être pas, personne ne sait. Même en ce moment crucial, on ne tire pas. D'autant que, et cela peut permettre de comprendre la colère des Français, ça n'est pas une bombe ou ça n'est pas un obus qui tombe sur la cathédrale de Reims. Ce sont plusieurs, en plusieurs vagues, pourrait-on dire. Alors, exactement. Un d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux vont provoquer l'incendie. Mais cela commence assez tôt. Et vous expliquez que dès le 14 septembre, alors que les Français viennent de reprendre, de se réinstaller à Reims, eh bien, on commence à tirer sur la ville. Et ensuite, trois obus frappent d'abord la cathédrale le 17 septembre, puis le 18 septembre, 13 impacts, puis le 19 septembre, 25 projectiles, et c'est là, effectivement, où la cathédrale prend feu. Il y a donc bien, sinon un accident, en tout cas, une intention de taper sur la ville de Reims et peut-être aussi sur la cathédrale, mais ça, on n'arrive pas à le déterminer au bout du compte. Exactement. Donc, alors, de taper sur la ville, comme vous dites, exactement, oui. Parce que, aussi, bien sûr, il y avait des Français qui se défendaient, donc ils tiraient sur les Allemands. Il faut bien dire que les Allemands se sont défendus aussi. Donc, là, ça commence à créer un certain brouillard. Le fait que la ville n'était plus une ville libre et qu'il y avait du militaire dans la ville, à mon avis, était une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, il y avait des canons sur les deux côtés. Je suis moins intéressé dans la question militaire, parce que finalement, c'était une catastrophe. C'était les Allemands ont tiré sur la ville, ils ont tué énormément de Rémois. On parle beaucoup moins des morts à Reims, on parle surtout de la cathédrale, parce que la cathédrale est le grand symbole. Ce qui m'a davantage intéressé, c'est qu'est-ce qui se passe après. Oui, vous expliquez effectivement que même les plus pacifistes, comme Romain Rolland d'un côté ou Albert Einstein de l'autre, ne vont pas signer, ne vont pas s'engager dans les pétitions. Mais néanmoins, ils écrivent des textes comme Romain Rolland où ils s'adressent à celui qui est prix Nobel, je crois Gerhard Hauptmann, je crois qu'il est prix Nobel. 1912. Il lui écrit en 1914, donc au moment de l'incendie de la cathédrale de Reims, mais plutôt en réaction à ce qui s'est passé à Louvain, il dit « Tuez les hommes, mais respectez les œuvres oui, », en l'occurrence. C'est-à-dire une phrase terrible qui dit que tout compte fait, il y a un patrimoine commun de l'humanité, bien avant que l'UNESCO ne s'empare de ce thème du patrimoine commun de l'humanité, et que cet intellectuel qui est Romain Rolland dit « Oui, une guerre fait des morts, mais il y a des œuvres qu'il faut absolument préserver dans une idée de patrimonialisation. » Ce qui arrive, c'est que tous ces intellectuels sont devenus nationalistes. Ils ont suivi l'empereur, ils ont défendu l'armée. Et ça, c'est complètement incompréhensible. On comprend pas cette identité des intellectuels avec ce qui s'est passé. On peut bien sûr s'imaginer aussi qu'ils étaient mal informés, parce que la censure allemande était très forte. Vous parlez là des intellectuels allemands qui vont s'engager comme un seul homme derrière la thèse officielle de l'Allemagne qui est « Il y avait des observateurs français, des batteries de tir français sur la cathédrale et donc il fallait bien que nous nous défendions ». Voilà, c'était là que tout a commencé de devenir difficile. Et il est absolument certain que les Français qui écrivaient sur le barbarisme, sur les Huns, sur les Vandales, etc., tout ça glissait vers l'Allemagne, aussi vers la Suisse. Donc cette information est arrivée. Donc Hauptmann et d'autres se défendent surtout contre cet envahissement d'arguments que les Allemands sont, sont des barbares. Et cette tâche, effectivement, qu'ils considèrent comme une tâche d'être qualifiés de barbares, de vandales, de et là, on se dit quel rôle joue l'histoire dans un moment comme celui-ci. C'est-à-dire que on voit bien que les uns et les autres sont nourris des histoires qui se sont de l'histoire telle qu'elle a été racontée dans leur propre pays, des histoires patriotiques, celles de Lavis en France ou d'autres, mais également, j'imagine, en Allemagne de la même manière, et que ces arguments historiques sont très forts dans ce conflit. Vous nous expliquez comment le plan de von Schifflen, par exemple, est un plan qui est nourri de la lecture de Tite-Live, qui est nourri de la bataille de Cannes chez les Romains, et qu'il a cela en tête, mais il a cela en tête au début du XXe siècle. On n'est plus à l'époque de la Rome triomphante et gouvernant le bassin méditerranéen. Et tous, dites-vous, ont ces images en tête, ces références en tête, et c'est ce qui va faire partir, pourrait-on dire, la polémique entre ces intellectuels. Il faut aussi se souvenir que la guerre de 1870-71, c'était une campagne extrêmement positive. Donc, alors, ils avançaient rapidement et, bien sûr, ils voulaient répéter ça. Donc, il y avait ce souvenir du côté de l'Allemagne de répéter 1870 et là, ils étaient soudainement bloqués. Et un autre point qui est, à mon avis, très important, les intellectuels allemands, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus très nationalistes? Ils sont devenus nationalistes parce qu'ils pensaient qu'à partir de ce moment-là, où ils n'avançaient plus, c'était une guerre de défense pour eux. Ils sont entrés en Belgique pour se défendre. Mmh. Alors, la propagande allemande a toujours dit, cette guerre, nous ne sommes pas les envahisseurs. C'est une guerre préventive. C'est une guerre préventive. Alors, il faut essayer de se défendre. Donc, la guerre était juste. Il fallait suivre les armées et l'empereur dans ses actions. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Ce qui est très intéressant, et je le disais tout à l'heure en vous lisant, c'est que vous partez de ce qui pourrait apparaître comme un événement collatéral d'une guerre, vous en faites le point central, parce qu'il a été un point central dans cette Première Guerre mondiale, et en particulier au tout début de cette Première Guerre mondiale. Et vous allez chercher très profondément les racines de ce qui s'est passé dans la constitution de cette histoire nationale, la constitution de ces références nationales, et en particulier, vous nous faites une grande leçon, vous êtes historien de l'art et vous connaissez très bien cela, sur la constitution de cet art gothique qui est partagé et qui est revendiqué comme étant d'un côté une invention française et de l'autre côté une invention germanique. Et cela, c'est au cœur justement de la prise en otage, pourrait-on dire, de cette cathédrale de Reims comme étant un symbole d'un côté français et de l'autre côté donc vu par les Allemands. Oui. Avant de répondre à cette question, je voudrais encore citer une voie où on peut apprendre que non pas tout le monde a participé dans cette haine et dans ce dialogue. Il y a un historien de l'art qui s'appelait Werner Weisbach, qui était très connu à l'époque, et il appartenait à un groupe d'intellectuels qui contestaient les rapports officiels. Donc, je vais citer une phrase de ses mémoires. Pendant que je séjournais ici, me parvint la nouvelle du bombardement de la cathédrale de Reims. Dans les journaux allemands, ce bombardement fut présenté comme un acte militaire nécessaire. En raison du poste d'observation français sur une tour, le motif était trop peu convaincant pour que j'entérine la pertinence de la destruction de tel édifice. Donc, il y avait bien quelques sûr... voix. Il y avait quelques voix. C'était une minorité, mais on pouvait savoir. Il fallait lire entre les lignes. Donc, il fallait être critique. Et il y avait, bien sûr, ces gens qui existaient, mais qui ne se faisaient pas voir. Donc, on les entendait peu. Et vous les avez retrouvés, justement, dans les archives, gens qu'on entendait peu. Sur cette question, tout de même, de la l'appréhension ou la captation de cette histoire du gothique par les Allemands et les Français de l'autre, c'est ouais. presque le cœur de votre ouvrage, pourrait-on dire. C'est tout ce que vous nous démontrez. On y entend les noms d'Émile Malle, le grand historien de l'art français du XIIIe siècle en particulier. On y lit aussi la cathédrale de Huysmans, on y regarde la représentation, puisque c'est une bibliothèque illustrée des histoires de la cathédrale, cette magnifique sculpture de Rodin, de deux mains qui se joignent vers le ciel. Et on y lit aussi le texte de Proust sur la mort des cathédrales en 1904, au moment où on est en train de préparer la loi de séparation de l'Église et de l'État. On y voit passer Monet, Rodin, Bourdel et tout un tas d'autres noms. Et de l'autre côté, en Allemagne aussi, on y voit passer beaucoup d'autres grands noms de l'histoire et de l'histoire de l'art allemand. C'est donc quelque chose qui mobilise cette question du gothique, cette question de ce que c'est que l'art supposément français ou allemand, qui mobilise les intellectuels de la fin du 19e et du début du 20e. Donc alors il y a eu cette controverse entre la France et l'Allemagne depuis le 19e siècle. Alors Goethe visitant la cathédrale de Strasbourg en déclarant que ça c'est un monument allemand d'un architecte allemand, Erwin von Steinbach, etc., etc. Donc tout le monde sait ça. Donc ça commence va à travers le romantisme que l'art gothique est un art allemand. Alors, au cours du 19e siècle, on savait bien sûr que le gothique est un art français qui a commencé en Normandie ou en Île-de-France, donc on savait ça. Donc les érudits, les historiens de l'art, ils ont su exactement que l'architecture a commencé là et non pas en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce savoir des historiens de l'art est transformé en idéologie à la fin du 19e siècle. Et alors là, ce combat recommence d'une façon absurde pour nous aujourd'hui, lire tous ces textes, on se demande, mais est-ce que je sais lire? C'est quand même vraiment très bizarre. Donc, jusqu'au point que, par exemple, puisque la cathédrale de Cologne, bien sûr, elle est très allemande, elle a des rapports avec la cathédrale de Damien, en ce qui concerne le style et sa construction, et il y a des Allemands qui disent, voilà, ce sont des immigrants allemands qui sont allés à Amiens pour construire la cathédrale d'Amiens. Bon, donc, alors, l'absurdité même dans ces arguments est vraiment incompréhensible. Et ça continue jusqu'à cette idée que, oui, les premiers bâtiments gothiques sont français. Alors, prenons quelqu'un comme Vorringer, qui est vraiment un très grand savant, il dit, oui, c'est vrai, mais c'est pas vraiment le pur gothique. Donc, c'est le début, c'est une préhistoire, et les gothiques purs, ce sont les bâtiments en Allemagne. Oui, parce que dit Vorringer, en 1907, il dit, eh bien, il faut voir derrière le gothique, derrière l'art gothique, l'homme nordique. Parce qu'il y a aussi des idéologies raciales qui se promènent de droite et de gauche dans cette fin du 19e siècle et début du 20e siècle. C'est le moment où effectivement les écoles d'anthropologie classent les races entre elles, etc. Et que, évidemment, ces intellectuels sont dans leur temps et ne sont pas extraits justement de ce temps dans lequel ces débats ont lieu, en l'occurrence, Thomas Gegenhans. Oui, à mon avis, il faut toujours être conscient de ces possibilités de changer d'avis ou de tomber dans des idéologies. C'est à cause de ça que, à mon avis, il est important d'étudier cette période et étudier qu'est-ce qui s'est passé après le bombardement de Reims. C'est un moment important où on voit que même des érudits qui savent ou qui devraient savoir peuvent se lier à certaines idées, à certaines propagandes, à certains intérêts politiques. Oui, ils peuvent tordre la vérité, changer complètement leur avis qu'ils ont exprimé avant. Donc, je crois que cette étude, alors c'était mon avis de montrer que ça peut-être même arriver encore. Donc, il faut vraiment étudier ce chapitre de l'histoire pour continuer perpétuellement ce discours entre les deux pays. Oui, parce que ce que vous montrez bien, c'est que ces intellectuels avaient des relations avant-guerre, qui étaient des relations amicales et même d'admiration les uns pour les autres. Et que ces relations d'admiration entre intellectuels français et allemands sont brutalement interrompues par la propagande guerrière d'un côté et de l'autre, mais aussi par la conviction qu'ils portent chacun plus qu'eux-mêmes, ils portent la culture avec un K d'un côté, la civilisation avec un grand C de l'autre, et que évidemment quand on est un intellectuel français ou un français, eh bien on porte avec soi l'héritage de la Révolution, de liberté, voilà, égalité, fraternité, et qu'il faut combattre justement cette vision plus supposée, plus ancré dans le territoire et dans le sol allemand, qu'est cette notion de culture. Et c'est au cœur de ce combat, dites-vous, que se trouve justement l'exemple de la cathédrale de Reims incendiée, Thomas Guéniquez. Vous avez vraiment lu très précisément cet ouvrage. C'est mon travail. Exactement, parce que c'est vraiment ça. Ça c'est aussi une thèse. Alors, cette confrontation entre civilisation et culture, hein, le mot allemand « culture », qui est assez souvent cité dans les textes français, mais aussi ridiculisé dans les caricatures, c'est-à-dire cette confrontation, est au cœur de tout ça. Donc, il y a, en effet, comme nous avons déjà parlé, il y a différentes traditions. Il y a la tradition allemande de considérer le gothique, il y a la tradition française de considérer... Et il y a l'idée de la civilisation venant de la Révolution française, qui est une idée humaniste, qui était, ce sont des idées pour tout le monde, pour le monde entier. Tandis que culture, c'est beaucoup plus lié au sol et à la race allemande, où on est né, à quelle langue on appartient, etc., etc. Donc là, toute cette discussion ressort soudainement. Elle a toujours existé, cette discussion, mais elle ressort à cause de cet événement affreux. Énormément de planches et de photographies qui sont rassemblées dans ce livre, votre livre, Thomas Guéniquez, qui s'intitule « La cathédrale incendiée ». Et on y trouve en particulier des affiches pour convaincre les Américains de se lancer dans la guerre en 1917. On y voit une sorte de King Kong, ça n'est pas King Kong parce que le film n'existe pas encore, mais une énorme gorille sur fond de cathédrale brûlée dans le fond de l'affiche. Il est en train d'enlever une femme au sein nu, dévêtue. Il a sur la tête un casque à pointe allemand sur lequel il est écrit « militarisme » et il a à la main un gourdin sur lequel est écrit « Kultur ». Ça veut dire que donc aux États-Unis en 1917, on utilise cet exemple de Reims pour dire « engagez-vous, partez pour l'Europe, pour aller combattre en Europe contre le Kaiser et contre le Reich ». Il faut bien savoir que les Français, dans leurs textes à la presse, dans d'autres textes, ensuite dans les caricatures, avec les cartes postales, avaient un succès énorme partout dans le monde. Ça va jusqu'en Argentine, pas seulement les États-Unis. L'Amérique du Sud recevait ces publications. Donc, à partir de septembre 1914, une grande sympathie s'est développée vis-à-vis de la France. À cause de ça. Donc, c'est-à-dire, maintenant, c'était clair. Les Allemands, c'était des barbares. Il fallait être du côté de la France. Donc, tous ceux qui tardaient encore de s'engager commençaient à prendre parti du côté français. Et ce qui est très intéressant, ça a continué après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toute cette vague de sympathie pour la France, pour reconstruire la cathédrale, et non pas seulement la cathédrale de Reims, mais aussi d'autres lieux. Rockefeller a donné beaucoup d'argent pour faire reconstruire l'église. Donc, cette sympathie pour la France, après la Première Guerre mondiale, après 18, a continué. Il faut bien dire que la presse française, les caricatures, les cartes postales, toute cette propagande française était victorieuse. disons. Et d'ailleurs, les Allemands, dites-vous, n'ont pas eu de véritable réponse, sinon celle dont on va parler maintenant avec vous, Thomas Gittgens. Mais la réponse a été une sorte de stupéfaction. On fait une pétition, 93 intellectuels s'engagent pour dire « mais ça n'est pas possible, nous ne sommes pas les barbares que les Français décrivent, etc. » Mais en faisant cela, ils se collent à la position de l'état-major allemand, donc ils n'ont plus aucune autonomie d'intellectuel, pourrait-on dire. Et à part quelques-uns que vous citiez tout à l'heure, ou Einstein qui ne veut pas signer cette pétition, eh bien on voit bien qu'ils sont pris par le militarisme allemand de l'époque. Et la réponse qu'ils trouveront, voyant qu'ils ont perdu la bataille de l'opinion, c'est de tenter de dire, eh bien, nous allons mettre en place une patrimonialisation la plus grande possible, car c'est vrai, les crimes faits contre les bâtiments sont des crimes contre l'humanité, et il faut donc, à partir de ce moment-là, mettre en place des processus de protection. Ils vont charger un intellectuel, Paul Klemen, qui est proche de la cour impériale, de faire cela, c'est-à-dire de monter une sorte d'organisation qui va tenter de faire le point sur les destructions, de dire qu'elles ne sont pas aussi nombreuses que ce que disent les Français, mais aussi de mettre en place une politique de protection des monuments. Et c'était vraiment une idée à se défendre contre le reproche que les Allemands étaient des barbares. Donc alors c'était une idée d'installer, on pourrait peut-être dire, un département près de l'armée pour les avertir de protéger certains monuments. Ça s'est installé déjà au début de 1915 et on sait que ils ont eu une certaine influence, peut-être pas énormément, parce que les militaires sont très difficiles à convaincre de tirer dans une autre direction. Hein. Donc, mais quand même, ça existait. Et il faut bien dire, le Kunstschutz, la protection des œuvres, ce département de l'armée a fonctionné. Il a surtout fonctionné après la guerre. Ils ont fait des inventaires, ils ont essayé de protéger les monuments détruits en essayant de construire des toits, etc., etc. Mais en même temps, les Allemands ont également fait de recherches sur les destructions des Français pendant la Révolution française. Ah, oui. Ils ont fait des recherches pendant la guerre de 30 ans. Voilà. Donc tout ça va parallèlement. Donc il y a cette pour idée pour discréditer les Français, Heidelberg a été détruit par les troupes royales des Français. Voilà. Et donc c'était bien avant, évidemment. Oui. Mais ça montre aussi que cet esprit barbare qu'on nous reproche, les Français l'ont eux-mêmes appliqué. Exactement. Plutôt que nous. Et c'est quand même très étrange de se dire que cette bataille pour le patrimoine, parce que c'est une bataille pour le patrimoine, ou plutôt pour l'appropriation du patrimoine pour soi dans un conflit, c'est quelque chose qu'on a connu plus tard. On l'a connu surtout pendant les guerres, par exemple en ex-Yougoslavie. On sait combien les bâtiments religieux, les bâtiments publics, comme la bibliothèque de Sarajevo, qui a été détruite volontairement pendant la guerre par des tirs d'artillerie, eh bien, ça s'inscrivait dans cette histoire dont vous nous racontez un des épisodes autour de la cathédrale de Reims, Thomas Gittgens. Il faut pas oublier que ce département de l'armée a joué un très grand rôle à la Deuxième Guerre mondiale. Le Kunstschutz était très important. Donc, cette préservation du patrimoine. Exactement. Auprès de l'armée. Mm-hmm. C'était des officiers. Mm-hmm. C'était des officiers à l'armée allemande qui ont prévenu. Et il faut bien dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu bien sûr des destructions absolument atroces, mais ils ont quand même aidé à préserver quelques monuments. Alors, vous savez peut-être le rôle qu'ils ont joué à Paris pour la protection du monument. Ils ont été très reconnus d'ailleurs par les Français après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait une conséquence. Cette idée s'est créée après le bombardement de Reims, mais elle a joué un rôle très important à la suite. Malheureusement, elle n'a pas joué un très grand rôle dans d'autres armées. Nous avons tout vécu, la destruction de Palmyre et tout ce qui était bien passé. Ce sont d'autres raisons de guerre, bien sûr. Il y a d'autres raisons de guerre. Mais une de mes idées d'écrire ce livre était bien sûr de m'intéresser au rôle des monuments et du patrimoine. Alors, vous avez sûrement lu que c'est absolument fascinant d'apprendre ce changement de langue. Alors, la cathédrale est devenue une martyre. Mmh. Un attentat a été commis contre elle. Toute cette langue change. Elle est personnifiée, en fait. Elle est personnifiée. La cathédrale, c'est, moi je dis, en tombant également dans cette langue, la cathédrale s'est défendue à la fin. Mmh. Elle a survécu. Et on l'a finalement reconstruit, on l'a restauré, elle a survécu. Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien la matrice que peut-être la polémique que vous décrivez par le menu dans votre ouvrage sur la cathédrale incendiée, la matrice que l'on retrouve dans des guerres contemporaines. Quand certains dans le patrimoine disent il faut protéger Palmyre, d'autres disent mais il y a des gens qui meurent sous les bombes à Homs, à Alep ou à Idlib, et vous vous préoccupez de savoir si quelques pierres doivent être protégées alors que les gens meurent pendant cette guerre. Et on voit bien que cette discussion, elle tient aussi pendant cette Première Guerre mondiale et au moment de l'incendie de la cathédrale de Reims. Alors c'est très intéressant que vous dites ça parce que j'avais un chapitre à la fin sur la guerre au Proche-Orient, en faisant la liaison entre les événements de 14-18 avec aujourd'hui. Et après de longues réflexions et avec des conversations avec des amis qui ont lu l'ouvrage, j'ai décidé, je vais le supprimer. Et la raison est la suivante. Le problème de la conservation des monuments, bien sûr, va jusqu'à aujourd'hui. Mais les raisons de la guerre sont très différentes. Et les attentats à Reims et les attentats à Palmyre sont vraiment très, très, très différents. Et je ne voulais pas mélanger ça. Donc, j'ai éliminé ce chapitre. Même si les discours peuvent apparaître, quand on vous lit, relativement proches de la part des acteurs, des uns et des autres. Et puis, il faut tout de même dire que ce moment de Reims va jouer jusque une période très proche de notre histoire, puisqu'il y a un chapitre que vous consacrez à la réconciliation franco-allemande, de Gaulle et Adenauer, et ça ne se passe pas n'importe où, ça se passe justement à Reims, comme Versailles portait en elle-même le souvenir, pourrait-on dire, de la défaite française de 1870 et puis les vengeances successives du traité de Versailles, eh bien, Reims porte en soi, en vous lisant, la question de la réconciliation franco-allemande qui fait que nous pouvons nous parler sans nous insulter comme en 1915 le faisaient les intellectuels allemands et les intellectuels français. Je pense que le souvenir, et c'était ça aussi le but de cet ouvrage, le souvenir, la mémoire du bombardement de Reims n'appartient pas seulement aux Rémois, n'appartient pas seulement aux Français. Il appartient également aux Allemands. Ce livre doit, j'espère, aider un tout petit peu de voir ce fait. Donc, il faut continuer à réfléchir là-dessus et connaître les raisons comment les Français se sont pas seulement battus entre 14 et 18, mais qu'il y avait cette suite de controverses. Plusieurs générations ont travaillé pour arriver finalement à cette visite d'Adenauer et de Gaulle. D'ailleurs, c'était de Gaulle qui a pris l'initiative. De Gaulle, ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Absolument. Mais c'est lui qui a inventé cette mise en scène absolument fascinante de participer à la cathédrale où Adenauer est allé prendre la communion et de Gaulle ne prenait pas la communion parce qu'il était bien sûr chef d'un État laïque, tandis que Adenauer était le président d'un parti chrétien-démocrate. Donc, alors tous ces détails sont tellement intéressants à connaître. Donc, d'une façon ou d'une autre, Reims est devenu un lieu symbolique pour cette entente entre la France et l'Allemagne. Après avoir été le lieu du déchirement. Après avoir le lieu de déchirement. Mais il faut toujours être conscient de ce moment d'histoire affreux. Il faut continuer dans le futur, de, non pas seulement de s'entendre, mais de se comprendre, de respecter la tradition de l'autre et dialoguer. Oui, parce que il ne faut pas tomber dans ce que vous appelez la défaillance des élites intellectuelles françaises et allemandes. Merci beaucoup Thomas Gettgens pour ce livre qui s'intitule « La cathédrale incendiée, Reims, septembre 1914 », traduit de l'allemand par Daniel Cohn chez Gallimard dans la bibliothèque illustrée des histoires. Merci. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Toutes les conditions, toutes les opinions, toutes les religions sont à Verdun. Toutes les origines également. 72 000 combattants de l'ex-empire français sont morts pour la France entre 1914 et 1918. Ils luttent dans cette guerre, sous notre drapeau, des fantassins marocains, des tirailleurs sénégalais, algériens, tunisiens, des soldats de Madagascar, mais aussi d'Indochine, d'Asie, d'Océanie. C'était il y a 90 ans. Mais c'était hier. Durant cette interminable année 1916, toute la France était à Verdun et Verdun était devenu toute la France. C'était en 2006, lors du 90e anniversaire de la bataille de Verdun, un président français, Jacques Chirac, rendait hommage justement aux troupes africaines qui avaient participé à la Première Guerre mondiale. Bonjour Cheikh Sakho. Bonjour Emmanuel Laurentin. Vous êtes mémorien, vous êtes en train, c'est comme ça que vous aimez vous appeler, vous êtes en train de terminer une thèse justement sur ce thème, en particulier le thème des tirailleurs pendant la Première Guerre mondiale. Vous participez à l'ouvrage collectif qui vient de sortir, ou qui sort cette semaine, de Marc Michel et de Philippe Buton aux éditions Vendémiaire, qui s'intitule « Combattants de l'Empire, les troupes coloniales de la Grande Guerre ». Et on peut dire que c'est votre jour aujourd'hui, puisque vous êtes rémois, vous êtes à Reims, et que le président Macron, ça n'est pas le président Chirac, le président Macron va inaugurer le monument, donc qui s'appelle le monument aux héros de l'armée noire, donc qui se trouve à Reims. Ce monument qui a été, qui a connu des avanies très longues tout au long du XXe siècle et du début du XXIe. Absolument. Écoutez, merci de me recevoir. En tout cas, moi, je suis impressionné d'être chez vous et honoré, bien entendu. Et je voulais juste revenir sur ce que disait votre invité. Et en finissant, il disait que le souvenir de Reims n'appartient pas seulement aux Français, mais aussi aux Allemands. Eh oui. Et absolument, et le souvenir de Reims n'appartient pas aux Français et aux Allemands. Et oui. Uniquement, ils appartiennent aussi aux Africains, bien exactement. Entendu. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président... Il s'exprime par ce monument aux héros de l'armée noire. Et le président Chirac le rappelle l'implication des troupes coloniales. Et c'est vrai que la France, à chaque fois... que ça ne va pas à chaque fois qu'il y a un naufrage. Je pense au radeau de la Méduse, la France se tourne vers ses colonies. Mmh. Hein, les deux dernières guerres l'ont montré. Et puis, après 1870, la France se tourne aussi vers ses colonies. Mmh. Et en ce sens, c'est très important pour rappeler ce souvenir, en tout cas, de la colonisation, de l'histoire coloniale et de l'histoire de la France. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce soir, donc à 18h, et vous y serez, vous ferez partie de ceux qui... sont très heureux d'y être. Cheikh Sakho, en tant qu'historien travaillant sur ces questions-là, vous vous trouverez à Reims à 18h avec le président de la République au Parc de Champagne et également Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République du Mali, pour une cérémonie militaire et une cérémonie civile autour de l'inauguration de ce monument aux héros de l'armée noire, un monument qui a été envisagé dès après la fin de la Première Guerre mondiale, Cheikh Sakho. Absolument, et ça a été envisagé très vite pour plusieurs raisons. Une raison qui me semble très importante, c'est le rôle du député Blaise Diagne, premier député noir sénégalais en 1914, et aussi à ces personnes qu'on appelle les Soudanais, vous savez, qui sont autour de l'Archinard, c'est-à-dire marchands, mangeins, baratiers, gourous, masiliers, et puis ce qu'on appelait le parti colonial, les personnes autour des Généquiens, entre autres. Et pour eux, c'est très important parce que Reims, ville martyre, c'est pas comme ça qu'on peut célébrer l'héroïsme, vous voyez. C'est-à-dire que l'héroïsme, il s'exprime à Verdun et il n'est pas à Reims. Et pour ces coloniaux, c'est important de faire ce geste et de le faire en double, c'est-à-dire le monument aux héros de l'armée noire de Reims, il a son jumeaux à Bamako, le monument aux Soudanais morts pour la France. Et on est dans cette continuité où c'est le président malien qui est là et compagnie du président Macron. Ce qui est très, tout à fait passionnant, Cheikh Sakho, c'est qu'effectivement, ces coloniaux vont envisager, un peu sur le modèle de ce qui sera fait avec la mosquée de Paris, pour rendre hommage donc à tous les musulmans qui se sont battus pour la France pendant la Première Guerre mondiale, vont envisager donc un monument double, l'un à Bamako, vous l'avez dit, et l'autre à Reims, et qu'il sera inauguré devant 10 à 15 000 personnes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 10 à 15 000 personnes ce soir avec vous pour accueillir le président Macron et le président Keïta. C'est plaisir d'avoir 10 à 15 000 personnes, mais voilà, les temps ont bien changé, et c'est intéressant que vous rappeliez la mosquée de Paris à Dakar, c'est la cathédrale du souvenir africain aussi, qui est érigée en hommage aux morts de la Première Guerre mondiale et des guerres coloniales, bien sûr. Ce monument de 1924 donc est inauguré en présence, entre autres, de généraux, bien entendu, mais aussi d'Édouard Daladier, de Blaise Diagne, de Gratien Candace, qui sont des personnalités très importantes pendant cette Première Guerre mondiale dans le rapport aux colonies en particulier et aux Antilles. Et il sera progressivement, non pas oublié, il va s'installer dans le paysage rémois. Et il va falloir que les Allemands arrivent en 1940 pour qu'il soit disparu. Oui, juste un petit mot, effectivement, cela montre, votre invité précédent parlait de culture qui s'oppose à la civilisation. On est bien dans le discours universaliste de la France contre le discours exclusif du sol du Heimat. Et bien entendu, ce monument, lorsque les Allemands arrivent en 1940 à Reims, c'est quelque chose qu'ils s'empressent d'enlever tout de suite. Votre invité parlait aussi de la protection des monuments par les Allemands. Et cette protection n'a pas épargné les monuments coloniaux, en particulier tous les monuments à Mangin. Et on est au cœur, justement, de la damnation mémorielle rémoise. Et il faut aussi dire que le tour mémoriel, pardon, l'itinérance mémorielle du président rappelle l'itinérance de la damnation mémorielle des Allemands en 1940 avec la pierre de droit, l'aigle à Compiègne et la statue de Reims. Oui, et donc ce monument va être détruit, enfin déménagé, pourrait-on dire, par les Allemands lorsqu'il rentre dans Reims en septembre 1940, et il va disparaître. Et c'est votre travail d'historien que d'avoir découvert ce qu'il est devenu pendant cette Seconde Guerre mondiale. Absolument. Alors là, c'est à partir de ce moment que mon statut de mémorien s'arrête plus ou moins, et je suis allé à la recherche de documents qui auraient pu nous renseigner plus sur le sort de ce monument. Et le sort de ce monument, il est signé par une lettre de Himmler de juillet 1940 qui dit « In Reims steht ein Denkmal », et il commence à décrire le monument. Il dit que le Führer a demandé à ce qu'on le ramène en Allemagne, et on en parle dans tous les documents du bureau d'Albert Speer comme le Schande Denkmal qui doit être amené à Berlin. Et donc, il sera fondu, c'est ce que vous avez découvert dans votre travail en juin 1941. Et le travail va être de vouloir le rétablir progressivement. Et on va terminer avec vous là-dessus. Malheureusement, on a trop peu de temps pour l'évoquer, en l'occurrence. Mais vous allez mener un travail. Il y a un monument qui aura été construit après la Seconde Guerre mondiale en hommage à ces troupes noires. Mais vous vouliez, vous et d'autres, voir ce monument ancien, celui de 1924, remis sur place à Reims, et c'est ce qui s'est passé en 2013, et c'est ce monument qui va être inauguré ce soir par le président de la République. Absolument, et là je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui ont soutenu ce combat, et moi ça m'a permis honnêtement de m'intéresser à l'histoire de manière plus profonde, pas tellement uniquement en tant que militant, mais d'aller chercher les archives, les sources, et de faire ce métier passionnant d'historien. Et bientôt, on attend d'ailleurs votre travail de thèse pour le printemps prochain, en l'occurrence Cheikh Sakho, c'est bien ça? Oui, j'attends ça avec impatience. Ça montrera en tout cas que on peut passer de la mémoire, de l'activisme mémoriel à l'histoire scientifique. Parce que, comme disait Yankelevitch, le passé ne se défend pas tout seul comme se défendent le présent et l'avenir. Il faut que l'historien soit là. Mais il faut aussi faire cela dans un esprit ricœurien, et c'est ce que fait le président Macron en restant sur les thématiques de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli. Merci en tous les cas à vous, Cheikh Sakho, et bravo donc pour le combat que vous avez mené. J'espère que ce moment sera à la hauteur de vos attentes ce soir avec cette inauguration en présence du président malien et du président français, et on vous recevra bien entendu un peu plus tard lorsque vous aurez soutenu votre thèse. Mais d'ici là, on peut demander à nos auditeurs qu'ils peuvent lire le livre Combattants de l'Empire, les troupes coloniales dans la Grande Guerre, dans lequel on trouve un article très précis sur les pérégrinations du monument aux héros de l'armée noire de Reims, signé de votre part. Donc c'est publié chez Vendémiaire sous la direction de Marc Michel et Philippe Buton. Merci beaucoup Cheikh Sakho et bonne journée. Merci beaucoup, au revoir à Emmanuel Lalonde. Au revoir, merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Élise Le était à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter La Fabrique de l'Histoire, n'hésitez pas à aller sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de La Fabrique de l'Histoire, nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de La Fabrique, c'est Fabrique FC. Demain, nous parlerons du sort des enfants dans la Première Guerre mondiale, avec plusieurs ouvrages qui sortent sur ce sujet-là. C'est un sujet important, puisqu'évidemment, ces enfants de la Première Guerre mondiale vont devenir des adultes pendant l'entre-deux-guerres et vont participer pour certains à la Seconde Guerre mondiale.